PKFM jusqu'au bout du monde. Après la phase préparatoire, nous arrivons à la phase de rédaction, donc l'introduction, le développement que nous venons d'aborder. Merci. Après l'introduction, le développement, nous allons maintenant à la conclusion. Tout à fait. Alors, comment se fait la transition entre le développement et la conclusion? Bon, à proprement parler, on pourrait pas vraiment parler de transition entre la partie qu'on appelle développement et la partie conclusive. D'accord. Seulement, c'est l'élan ou la dynamique du raisonnement qui permet naturellement d'appeler la conclusion. D'accord. Je voudrais dire deux choses quand même par rapport au développement, pour pouvoir complètement finir avec lui. C'est que j'ai parlé de la question du respect de la perspective. Lorsqu'il faut faire attention à la phrase qui donne l'information. Ok. Si dans un texte, on vous dit, dans un sujet, on vous dit de que la littérature instruit, donc restez dans cette logique d'instruction. Si au contraire, on vous dit que la littérature est un voyage de découverte, restez toujours dans la notion de découverte. Il ne faudrait pas sortir pour éviter qu'il y ait des confusions ou bien des incohérences dans ce que vous allez dire. C'est ce que j'appelle perspective. Okay. La deuxième chose, c'est le respect de la... Comment on pourrait l'appeler? C'est le respect de la progression thématique. Ok. Faire une dissertation, c'est de partir d'un point A vers un point B. Il faudrait qu'on sente une progression du début de ce que vous avez dit à partir de l'introduction jusqu'à la fin. Donc, si on ne sent pas cette progression, on va sentir que vous tournez en rond. Votre rédaction ne sera pas efficiente. Donc, il faut que les candidats aient cela en tête. D'accord. Disserter, c'est conduire un raisonnement. Et lorsqu'on conduit, on fait un mouvement d'un point A vers un point B. Ok. C'est tout ça. Maintenant, pour la phase conclusive, la rédaction prend en compte trois parties. La conclusion, son nom l'indique, c'est vraiment d'aller à l'achèvement du propos, c'est de finaliser. Alors, elle a deux intérêts, elle a un double intérêt aussi. D'accord. C'est qu'on veut justement clôturer le propos, mais en plus de ça, on veut laisser une bonne impression au correcteur. Okay. C'est la dernière partie qui lit avant de pouvoir corriger la copie, avant même d'apposer la note. Donc, il faudrait que cette partie-là soit travaillée de sorte à influencer le jugement qu'il va faire. D'accord. Donc, voilà les deux intérêts de faire une conclusion. Okay. Cette conclusion, lorsqu'elle veut se faire, c'est vrai que beaucoup de candidats la négligent parce que très souvent, on est très inspiré dans l'introduction, mais j'ai déjà vu des conclusions, c'est juste une formalité qu'il faut suivre. Alors qu'elle aussi s'est fait en un paragraphe et elle a pratiquement le même volume que l'introduction. D'accord. C'est pourquoi d'ailleurs, la plupart des barèmes revoient le même nombre de points pour la conclusion et l'introduction. Quand l'introduction est sur 5 points ou bien 4 points, la conclusion aussi est sur 5 points et sur 4 points. D'accord. Peut-être que tout le monde ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut mettre exactement dans la conclusion? Dans la conclusion, il y a trois étapes. D'abord, il faut faire le bilan de tout ce qu'on a dit dans le développement. Il faut faire le bilan. Bon, nous avons travaillé, voilà ce que nous avons retenu. Ensuite, ce bilan-là doit conduire à une opinion personnelle, un jugement. Alors, quand on dit cela, beaucoup pensent que c'est quelque chose de difficile. Non. L'opinion personnelle, c'est un jugement personnel, une remarque d'ordre esthétique ou bien thématique. Esthétique, c'est-à-dire quand vous parlez un peu de du courant de pensée ou bien de la façon d'écrire d'un auteur, ou bien sur le thème qu'il a abordé. Quand on dit par exemple la littérature instruit, bon, cette instruction-là, il y a quand même une réflexion que ça vous demande, vous, à partir de votre expérience de lecteur. Donc, une fois que cet aspect-là est achevé, logiquement, elle doit vous conduire à une ouverture. C'est l'ultime étape. L'ouverture, c'est une mise en relation. Il ne faut pas laisser un travail sans ouverture. De plus en plus, bon, on entend dire que l'ouverture est facultative et que bon, ce n'est pas nécessaire. Donc, dès que vous dites que l'ouverture est facultative, l'enfant ne fait plus d'ouverture. C'est mais ça. Il garde cette carence-là, même quand il va embrasser les études supérieures. Et là-bas, c'est tout à fait différent. Donc, l'ouverture a un rôle. Et elle a, j'allais dire, elle a une essence. C'est que l'ouverture, c'est comme on dit en philo, les réponses, ou du moins les questions sont plus importantes que les réponses. Et chaque réponse est censée devenir une nouvelle question. Donc, il faudrait achever votre travail par une mise en relation qui va poser un nouveau problème, ou bien qui va donner une nouvelle orientation au travail que vous venez de faire. D'accord. Donc, l'ouverture est vraiment importante, elle fait partie du barème et il ne faut pas la négliger. D'accord. Il y a eu une autre question. Nous savons qu'en début de cette émission, vous avez dit de beaucoup s'appuyer sur l'introduction. Oui. Il faut faire bonne presse. Si. Après, on arrive au développement et la conclusion. La conclusion aussi, c'est la dernière partie que, je dirais, le correcteur aborde pour pouvoir mettre la note. Si. Alors, à ce niveau, est-ce qu'il faut mettre aussi au brouillon comme l'introduction? Normalement, non. Okay. Normalement, non. Tout va dépendre de champ candidat et puis de l'intensité du travail qu'il a eu à faire. S'il a été vraiment concentré et qu'il sait, il a su orienter son travail, son propos vraiment dans le bon sens, s'il y a une certaine profondeur, il n'a pas besoin de revenir encore au brouillon. Il n'a pas besoin. Il D'accord. peut aller directement puisqu'il connaît déjà les étapes. Ok. Maintenant, si il n'a pas été tout à fait concentré, il a eu quelques distractions, bon, il peut tenter quelque chose au brouillon. Mais c'est juste le début, c'est-à-dire la partie où il fait le bilan. Une fois que le bilan est compris, s'il sait que ça coule de source, allez, il peut continuer. Voilà ce que je peux dire. Merci, monsieur Simplice Godot. Amis auditeurs, comment réussir le sujet de dissertation littéraire au baccalauréat? C'est le thème de cette rencontre sur ce plateau aujourd'hui avec monsieur Simplice Godot. Nous avons parler de la phase préparatoire pour faire une dissertation littéraire. Il y a d'abord la compréhension du sujet, la reformulation du sujet, l'identification du problème, bâtir un plan et puis aller à la recherche des idées. Comme astuce, il faut annoncer l'idée, il faut expliquer l'idée et puis apporter des illustrations. Concernant la phase de rédaction, nous avons l'introduction. L'introduction à elle qui a trois parties. D'abord, amener le sujet, c'est-à-dire partir d'une généralité, ça peut être une définition, un constat, une remarque, une citation concrète. Vous pouvez poser le problème à la suite, c'est-à-dire après le sujet, amener le sujet, donc généralité. Vous arrivez à poser le problème, il s'agit de l'insertion du sujet, surtout si le sujet n'est pas long. Si le sujet est long, il faut le reformuler. Il faut passer par la suite à l'annonce du plan, donc dit précisément les étapes de la réflexion. Cette partie se rédige en un seul paragraphe et comporte un double intérêt, c'est ce que vous avez dit. Si, si. Dans le développement, nous avons seulement la rédaction se doit d'être soucieuse de la présentation. Donc, un paragraphe égale à une idée. Mm-hmm. Donc, deux idées suffisent par partie du plan. C'est cela. Nous arrivons à la conclusion. Ce qu'il faut dire à ce niveau, il faut que ça soit bien étoffé avec des arguments. Il faut des explications bien conduites. La conclusion, nous avons deux parties, donc le bilan du développement, trois parties. Il faut que beaucoup de candidats ne négligent pas la conclusion parce que c'est ce qui permet déjà au correcteur de savoir quelle est la chronologie de ces différentes actions, de l'introduction jusqu'à la conclusion. Donc, ces trois parties. Vous avez ici la toute première partie, le bilan du développement. Si, si. Le bilan du développement, vous allez récapituler tout ce qui a été dit dans le développement. Ensuite, le jugement personnel. Alors, le jugement personnel, ce n'est pas quelque chose de subjectif. Et comme vous l'avez dit, on a l'habitude de dire que c'est aléatoire. Mais il faut qu'on insiste là-dessus. Sinon, ça va devenir une carence plus tard au niveau de l'enseignement supérieur. Monsieur Godot Simplice, merci infiniment. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous allons allègrement vers la fin de cette émission. Nous avons deux ou trois derniers messages que nous allons lire rapidement. L'autre pose la question de savoir, monsieur, c'est concernant le développement. J'aimerais savoir, est-ce que à chaque paragraphe, il faut laisser l'alinéa? Alors, c'est une question posée par Aoutou Yao de la terminale A2. Est-ce qu'il faut laisser à chaque paragraphe des alinéas? Bon, normalement, c'est ce que j'ai déjà dit. Lorsque vous commencez une nouvelle idée, elle doit correspondre à un paragraphe. D'accord. Et la matérialisation du paragraphe, c'est le respect de l'alinéa. Ok. Donc, une idée nouvelle égale un paragraphe, donc un alinéa. Ok. Ça veut dire que si dans votre partie, vous avez deux idées, c'est qu'on doit avoir deux paragraphes clairement identifiés à partir de leur alinéa. Donc, on a deux alinéas dans cette partie. D'accord. Il y a André Eve Carole de la terminale A1 des établissements Henri Poincaré pose la question de savoir comment rédiger un bon développement au niveau de la dissertation littéraire. Je crois que les différentes parties sont déjà là. Et sur la plateforme ce soir, nous allons mettre à votre disposition et le podcast de cette émission. Vous pouvez télécharger l'émission. Nous allons mettre également le cours à votre disposition. Vous pouvez prendre le temps de revoir ce cours pour mieux comprendre. Merci donc de nous suivre à travers la radio Ogbeke FM. Sachez que nous sommes à la technique avec M. Oumar Kobena. Pour finir, nous disons merci aux établissements Henri Poincaré et à la radio Ogbeke FM. C'est ce que nous dit Simone Bieke Hermine qui nous envoie ce message depuis Diglo. Bonjour monsieur, nous disons merci aux établissements Henri Poincaré. Je suis un parent d'élève, mais ça me permet de combler ma fille parce que elle est chez moi actuellement, mais elle suit les cours à travers la radio Ogbeke. Merci donc de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure à partir de 11h pour la séance de mathématiques. Notre invité du jour, monsieur Simplice Godot, enseignant des lettres aux établissements Henri Poincaré. Merci à toute l'administration des établissements Henri Poincaré. Merci et à vous, chers auditeurs, partenaires de l'éducation, chers parents, chers élèves. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur BEC FM.